Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture où aujourd'hui je reçois un invité pas comme les autres parce que nous allons parler d'une commune située à proximité de Nancy. Nous allons parler de Tomblaine, donc avec l'auteur du premier livre sur Tomblaine, Daniel Sand. Bonjour Daniel. Bonjour Sarah. Je suis très honorée de vous recevoir aujourd'hui pour cette émission littéraire qu'on va consacrer à l'histoire de Tomblaine. Alors Daniel, comme la plupart des invités qui sont soumis au feu de l'interrogatoire des caprices de lecture, je vais vous poser une série de questions qui vont être bien sûr en lien avec le livre que vous avez écrit, auto-édité, qu'on peut se procurer depuis le 31 octobre 2024. Oui. Ouais. On va surtout parler de vous. D'accord ? Est-ce que vous êtes prêt, Daniel ? Oui, bien sûr. Alors, vous étiez, je parle au passé, technicien de recherche. Oui. Pendant toute votre carrière ? Non, pas tout à fait. J'ai travaillé 2 ans dans l'industrie. D'accord. Après avoir travaillé donc tout au long de votre parcours professionnel, vous voilà en retraite bien méritée et vous prend l'envie d'écrire un livre sur Tomblaine. Une envie qui s'appelle Tomblaine de l'Antiquité à 1945. Une envie qui vous vient, et ce sera l'objet de ma première question, presque par hasard, il y a plus de 20 ans, est-ce que vous pouvez nous parler de, un petit peu, la naissance de ce livre ? Eh bien, c'est quand je suis allé aux archives, parce que j'avais déjà écrit dans des revues. Mm-hmm. Donc des revues spécialisées en histoire ? Des revues Trésors de l'Histoire. D'accord. Et j'ai été édité en 98 et en 2000. Et de là, j'avais trouvé quelques documents sur Tomblaine. D'accord. Donc vous tombez dessus ? Par hasard. Par hasard. Et puis, bah, j'en ai mis de côté. J'ai trouvé des photos que j'ai mis de côté. Et puis les années passent et... L'idée n'a pas forcément germé tout de suite. L'idée n'a pas germé tout de suite. Non. D'accord. Non. Bon, et après, du coup ? Et après, bah, c'est en discutant avec un ancien ami que j'ai retrouvé. D'accord. Dans la rue. Ok, à Tomblaine ? À Tomblaine. D'accord. C'est vraiment... c'est rigolo, les hasards de la vie. On a discuté de notre enfance, parce que c'est un ami d'enfance. Et de fil en aiguille, je me suis dit, tiens, jamais personne n'a parlé de Tomblaine, vraiment l'histoire de Tomblaine. Oui. Et c'est de là qu'est partie l'idée. Ok, donc là, vous ressortez... votre tiroir magique avec les articles que vous avez trouvés. Exactement. D'accord. Et vous continuez ou vous commencez ? Je commence, mais la personne que j'avais rencontrée là m'a dit « Mon père voulait le faire. » D'accord. Mais il n'a pas eu le temps, il est décédé avant. Donc, il m'a dit « J'ai quelques documents, si ça s'intéresse. » Ah, j'ai dit « Bah, bien sûr. » Ok, donc l'aventure démarre là. Elle a démarré là. Oh, c'est génial. Et du coup, vous n'avez jamais lâché ? Non. Ça, c'est super. Alors, dans ce livre, alors ce n'est pas qu'un texte, parce que ça pourrait être lourd pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire de l'histoire, pour l'histoire avec un grand H. Vous y avez également ajouté des illustrations, des photos, des plans. Alors, je me dis, on nous parle alors des origines du nom de Tomblaine, hein, qui a été beaucoup modifié. Je ne spoile pas, parce que moi-même, j'ai été très surprise et j'ai trouvé ça... presque drôle, et en même temps me dire, mais en fait, moi-même j'habite cette commune depuis plus de 15 ans maintenant, et à aucun moment je me suis demandé le pourquoi du comment. Et vous, vous faites référence justement donc aux, on va dire aux grands événements ou aux phares, on va dire, dans la nuit de cette ville, qui est par exemple l'usine Potalux, l'île aux oies, le château, et puis toute l'histoire, parce que Tomblaine a été beaucoup bouleversée, je pense notamment avec les différentes guerres mondiales. Hein, bien sûr. Bien sûr. Et je me dis, voilà, vous nous faites voyager dans le temps, vous nous faites voyager dans l'espace. Est-ce que c'est avant tout par passion ou est-ce que vous vous dites, ben, comme j'ai commencé, je veux finir ? Est-ce que l'histoire est avant tout une passion pour vous ? C'est devenu une passion. Ah, au départ, ça ne l'était pas. Au départ, ça ne l'était pas, non. D'accord. Et au fur et à mesure que je trouvais des renseignements et tout, je me suis dit, les gens ne savent pas ça, ne savent pas qu'il y avait un château, ne savent pas qu'il y avait la filature, etc. Donc, c'est de là que... D'accord, parce que je me dis, c'est un peu comme un travail d'enquête. Oui. Vous trouvez un élément, vous dites là, il faut que je creuse, donc vous allez chercher, et du coup, vous faites comment ? Parce que la première chose qui nous vient, nous, qui ne sommes pas du tout, on va dire, historiens, on se dit, bon, alors vous allez aux archives de la ville, par exemple, vous allez aux archives départementales, mais je pense que vous aviez aussi plein d'autres sources. Oui, en bibliothèque, dans d'autres archives départementales, ouais. D'autres départements. Ah oui, donc vous prenez la voiture et vous partez dans les autres départements. Il y a des départements et tout qui mettent des archives en ligne. Oui. Donc, ce qui est quand même intéressant. Ça vous aide tout... aussi, voilà, ouais. Ça aide aussi. Ouais. D'accord. J'ai pas mal de livres chez moi d'histoire, bien entendu. Oui. Et j'ai des rééditions d'Henri Lepage, d'Auguste Lepage et tout. D'accord. OK. Voilà. Et donc, c'est... donc, vous êtes un... Dedans, j'ai trouvé des renseignements. Vous êtes le Sherlock Holmes de Tomblaine, alors. C'est presque une enquête policière. Ah ouais. Et est-ce que des fois, il vous est arrivé d'avoir des pistes sans issue? Ça arrive. Ça peut arriver? Ça peut arriver, oui. Oui, parce qu'on se dit, là, peut-être, je vais creuser, puis au final, on ne trouve plus rien. C'est, ou... Oui, c'est arrivé à plusieurs fois, mais bon. Et dans ces cas-là, est-ce qu'on se dit, quand on est Daniel Sand et qu'on veut absolument écrire ce livre pour parler à tout le monde de l'histoire de Tomblaine, est-ce qu'on est déçu ou est-ce qu'au contraire, on se dit, bon, allez, c'est pas grave, c'est une piste qui s'éteint, mais je vais bien en trouver une autre qui va m'amener sur un autre chemin. On continue. Ah ouais, donc vous êtes un passionné, un vrai. Ah, ça c'est chouette, c'est bien. Alors, on va faire une première coupure musicale, Daniel, avec un morceau que vous avez choisi, de musique classique, si je ne me trompe pas. Il s'agit de l'Adagio Albinoni en sol mineur pour violon et orgue. Oui. Alors, pouvez-vous expliquer, nous expliquer et expliquer aux auditeurs pourquoi ce choix musical? La première fois que je l'ai entendu, j'étais en colo. D'accord. À Julien Rupp, une colonie qui appartenait à la commune de Tomblaine. Oui. Et de temps en temps, avant midi, il mettait des musiques. Et celle-là m'a particulièrement plu. Et elle vous a suivi jusqu'à aujourd'hui? Elle m'a suivi, oui. Super, alors on découvre j'écoute, ça. Oui, j'écoute aussi en ré mineur pour trompette, qui est magnifique aussi. Donc c'est bon à savoir, on l'écoute et on revient juste après pour la deuxième partie de Caprice de lecture. Thank you. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette deuxième partie d'émission de Caprice de lecture, toujours en présence de Daniel Sand. Daniel, est-ce que tout va bien pour vous ? Ça va très bien. Donc vous restez avec nous ? Bien sûr. Ah super. Alors Daniel, moi j'ai une question qui m'est venue en lisant le livre. Pourquoi ce besoin ? Parce que quand on le lit, on ressent un besoin viscéral de raconter l'histoire de Tomblaine. Vous auriez pu choisir n'importe quelle histoire. Vous auriez pu écrire un polar, un roman à l'eau de rose, un roman. Et en fait, vous écrivez purement sur la ville de Tomblaine. Pourquoi ce besoin ? Comment ça vient ? Ben, c'est venu parce que je n'avais jamais vu vraiment d'histoire de Tomblaine racontée dans un livre. J'avais vu quelques bribes d'histoire dans des bulletins municipaux, ouais. sur quelques affiches dans la commune et tout, mais c'est tout. Et le fait de réunir tout ça, en plus vous ne faites pas que les réunir, je veux dire c'est propre, c'est net, les illustrations sont très bien reproduites, la chronologie est parfaitement respectée, on se dit c'est un travail de construction, c'est quelque chose que vous avez mûri avant. C'est mon tout premier livre. Ouais. Donc j'ai fait comme ça me venait. Comme on dit, avec vos tripes. Et voilà. Avec le meilleur de ce que vous pouviez donner. Exactement. C'est chouette. Alors justement, j'en viens à mon autre question. Est-ce qu'il y aurait peut-être un autre livre, pourquoi pas, dans vos projets ? Alors, pas forcément sur Tomblaine, mais voilà. Parce qu'en fait, vous êtes, on le disait hors antenne, vous êtes un peu presque surpris de ce succès. Oui. Vous êtes le premier surpris, les gens vous arrêtent dans la rue. Oui. Et vous avez aussi des personnes qui vous commandent des ouvrages peut-être auxquels vous n'auriez jamais pensé. Est-ce que, du coup, ça vous donne envie de continuer cette aventure d'écriture, peut-être dans un autre registre ou approfondir certains points ? Ou est-ce que pour l'instant, vous profitez de ce succès bien mérité, parce que c'est beaucoup de travail ? Pour l'instant, j'en profite. Oui. Mais il y a beaucoup de choses. J'ai des documents que je n'ai pas mis dans ce livre. Donc, on pourra avoir un tome 2. J'ai d'autres enseignements et tout que je n'ai pas mis. Mais... D'accord. Faute de place, parce que j'ai même des sœurs qui m'ont freiné, qui m'ont dit de faire un livre de 500 pages. Ah ouais. Et d'ailleurs, tiens, votre famille, qu'est-ce qu'elle en pense ? Parce que j'imagine que vous avez passé beaucoup de temps à rechercher, collecter, organiser et rédiger, parce que c'est... Voilà, je pense que... C'est ma famille proche, mon épouse et ma fille. Oui. Qui, bah, elles ont un peu souffert quand même. Oui. Ah. Oui, parce qu'il y a des week-ends, elles voulaient sortir, et puis j'ai dit, bah oui, mais là, je suis en plein dans un truc de recherche et tout, j'ai pas envie de le perdre, je sais quoi écrire. Donc... Elles ont fait quelques sacrifices pour Exactement. Vous permettre d'aller au bout de cette aventure. Exactement, c'est pour ça que je les remercie aussi dans le livre. Et oui, vous avez bien raison, parce que souvent les proches sont les premières, alors victimes collatérales, c'est pas le bon terme, mais c'est vrai que les proches subissent souvent... Le manque oui. de temps accordé, ça peut se comprendre. Et d'ailleurs, votre livre, c'est de l'Antiquité à 1945. On s'arrête en 1945. Moi, j'imaginais de 1945 à nos jours, mais c'est peut-être pas encore au goût du jour. C'est beaucoup plus difficile. C'est des documents qui sont protégés aussi. Ah, ok. On ne peut pas publier tout ce qu'on veut. Ouais. Il y a beaucoup de photos et tout ça qui peuvent avoir des ayants droit. C'est plus facile d'écrire sur une époque bien plus ancienne, du coup. Quand il y a plus de 80 ans. Oui, ça c'est intéressant à savoir. Ça tombe dans le domaine public. Donc vous pouvez l'exploiter comme vous le souhaitez. En faisant attention quand même que les dépositaires n'aient pas de droit. D'accord. Donc ça aussi, ça a été une partie de votre travail ? Oui, bah, des recherches là-dessus, que je ne fasse pas des choses Oui, puis qu'après on vous le reproche et voilà. D'accord. Donc ce serait plus difficile d'écrire sur une période peut-être plus proche plus de nous ou plus moderne que ce que vous avez fait. Bien sûr. D'accord, bah, c'est très bon à savoir. Voilà. Donc pour l'instant... Vous profitez de ce succès inattendu. Oui. Parfait. Je crois qu'il va y avoir une rencontre dédicace. Est-ce que vous souhaitez en parler, Daniel ? Il y aura une rencontre à la mairie, celle des mariages, ouais. le 18 décembre. À Tomblaine. À Tomblaine. 18 décembre à 18h. 18h. Voilà, donc on retient 18, 12, 18. C'est tout simple. Mais j'espère que vous aurez beaucoup, beaucoup de public. Ce sera une soirée dédicace. Rencontre dédicace, rencontre dédicace. Le public pourra vous poser des questions. Bien sûr. D'accord. Auxquelles vous répondrez, bien sûr. Oui. Sur tous les secrets de fabrication du livre et tout et tout. Bon, bah super. Daniel, on va faire une deuxième coupure musicale, donc toujours de votre choix, qui est le Danube bleu de Strauss. Oui. Alors, comme le premier morceau, pourquoi ce morceau spécifique ? Ouais, parce qu'en 1966, j'étais parti en Bulgarie. Ok. Et on nous a proposé de faire un petit voyage sur le Danube. Okay. En bateau à roue à roue. Ça m'a plu. Et puis, je connaissais la chanson Le Danube bleu. Et quand j'ai vu la couleur qu'il avait, il n'est pas vraiment bleu. Il est de quelle couleur, là, en vrai? Il est un peu sale. Ah, d'accord. On est loin du bleu qui il nous fait rêver. Il quoi. Mais bon. Donc, on l'écoute. Et juste après, on passera au caprice de lecture. À tout de suite. Caprice de lecture sur Fadjet, l'essentiel de l'actualité littéraire. De retour pour cette dernière partie d'émission de Caprice de lecture, toujours avec Daniel Sand qui sera resté avec nous jusqu'au bout, donc c'est que l'aventure était agréable. Daniel, avant de passer aux caprices de lecture, comment on peut retrouver votre actualité? Est-ce que vous êtes sur différents réseaux sociaux ou pas? Comment on peut vous joindre? Si on veut vous poser des questions sur le livre, par exemple, ou si certains auditeurs sont hyper intéressés, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Ok. Pour me joindre, bah, c'est à Tomblaine, rue Jean-Lotte. Ok, d'accord. Si vraiment, vraiment, on a des questions spécifiques, est-ce que la bibliothèque peut servir de relais? Bien sûr. Eh ben voilà, donc rendez-vous à la bibliothèque. Si vous voulez avoir encore plus de secrets de fabrication du livre de Daniel Sand, Tomblaine, de l'Antiquité à 1945. Maintenant, caprice de lecture. Alors, je vais m'en occuper pour une fois n'est pas coutume. C'est un livre qui me tient à cœur, qui s'appelle Le Pire de Noël, aux éditions Pocket. Alors, pourquoi ça me tient à cœur? Parce que c'est un livre de poche qui est édité chaque année et qui soutient une fondation ou une association différente. Et cette année, ce groupe soutient Rire Médecin. Donc, c'est ce qui permet aux professionnels de la santé ou pas, d'être formés et de pouvoir se rendre dans les hôpitaux pour rendre le rire et surtout le sourire aux enfants qui sont malades et qui font de longs séjours dans les hôpitaux. Alors, on a plusieurs auteurs. On a Franck Tilliez, Olivier Lorec, Muriel Calmel, on a Barbara Abel. Et tout ce beau monde, en fait, écrit une nouvelle qui est dans un recueil. Et en fait, ça nous donne des histoires de Noël qui ne sont pas du tout magiques, au contraire, qui sont presque monstrueuses. Donc, on se fait peur. Quelquefois, il y a un petit peu d'humour noir. Mais c'est surtout pour aider une belle association qui est le Rire Médecin. Donc, je vous invite fortement à participer à cette belle association et à les soutenir. Daniel, je vous remercie encore une fois d'avoir accepté l'invitation de Caprice de Lecture. Je vous remercie aussi de m'avoir reçu. Merci. Je rappelle le titre de votre livre, Daniel Sand, Tomblaine de l'Antiquité à 1945. Et on rappelle aussi que votre première rencontre dédicace se déroule le 18 décembre à 18h en salle des mariages à la mairie de Tomblaine. Oui. Ce sera un plaisir de vous y retrouver. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, très bonne lecture à tous. Au revoir.